goûter les madeaux, le confit, le canard et les faillots, les magnums au chocolat blanc, et le frometon bien gras et bien coulant. Mais comme j'ai attrapé un gros bidon, des bourrelets et un double menton, je suis allée voir le docteur du bien manger. Il m'a dit qu'il fallait tout changer. Manger 5 fruits et légumes par jour, pour ne pas devenir un gros balourd. Marcher, bouger et faire du sport, pour ne pas ressembler à un gros. Manger moins salé et moins sucré, éviter toutes les graisses saturées. Ne rien prendre en dehors des repas, sauf un grand verre de Contrex et puis basta. Je me suis inscrit à la muscu pour essayer de faire fondre mon gros. Il y avait plein de playboy bodybuildés qui m'ont lorgné avec un sourire en biais. Après 4 pompes et 3 abdos, je m'étais bousillé les intercostaux. Quand ils m'ont évacué en remorqueur, les playboys ont chanté tous en cœur. Manger 5 fruits et légumes par jour, pour ne pas devenir un gros balourd. Marcher, bouger et faire du sport, pour ne pas ressembler à un gros. Manger moins salé et moins sucré, éviter toutes les graisses saturées. Ne prenez rien en dehors des repas, sauf un grand verre de Contrex et puis basta. Je me suis inscrit en thalasso, dans une cure contre la graisse et les kilos. Ils m'ont fait mijoter dans un sauna, puis souffrir sous les chutes du Niagara. Ils m'ont massé avec de la boue dégueu, concocté des menus à la mort moelleux. 3 feuilles de salade, 1 demi-brocoli et du pamplemousse si j'étais bien gentille. Manger 5 fruits et légumes par jour, pour ne pas devenir un gros balourd. Marcher, bouger et faire du sport, pour ne pas ressembler à un gros. Manger moins salé et moins sucré, éviter toutes les graisses saturées. Ne prenez rien en dehors des repas, sauf un grand verre de Contrex et puis basta. J'ai fini par me trouver mal dans la piscine, hypoglycémie et des orteils aux narines. Affolée, ils m'ont dépêché aux urgences, où l'on m'a détecté 3 tonnes de carence. On m'a fait du Nutella en perfusion, des plats de graisse à la crème aux champignons. Quand je me suis pesée à la sortie, y avait mon compte en banque qui avait maigri. Manger 5 fruits et légumes par jour, pour ne pas devenir un gros balourd. Marcher, bouger et faire du sport, pour ne pas ressembler à un gros. Manger moins salé et moins sucré, éviter toutes les graisses saturées. Ne prenez rien en dehors des repas, sauf un grand verre de Contrex et puis basta. J'ai rendu visite à ma copine Monique, elle était devenue anorexique. Son régime à base de pâtes de libellule l'empêchait de tenir debout sur ses rotules. Elle avait le teint d'un chinois qu'à la jaunisse et les orbites de la femme d'Aménophis. Je lui ai dit, si tu veux pas finir en miettes, mets-toi bien ce refrain dans la tête. Manger 5 fruits et légumes par jour, pour ne pas devenir un gros balourd. Marcher, bouger et faire du sport, pour ne pas ressembler à un gros. Manger moins salé et moins sucré, éviter toutes les graisses saturées. Ne prenez rien en dehors des repas, sauf un grand verre de Contrex et puis basta. Les légumes aux nitrates sont insipides et les fruits regorgent de pesticides. Après un ulcère et 6 bonnes diarrhées, j'ai décidé de pas crever intoxiqué. Je suis revenue aux frites et aux McDo, aux confits de canard et aux faillots, aux frontons bien coulants et aux magnums. En avant pour l'objectif, bim bam.